Exode chapitre 14. Et l'Éternel parla à Moïse, en disant, parle aux enfants d'Israël, et leur dit, qu'ils se détournent, et qu'ils se campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsepnon. Vous camperez vis-à-vis de ce lieu-là, près de la mer. Alors Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont embarrassés dans le pays, le désert les a enfermés. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, et il vous poursuivra, ainsi je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et ils firent ainsi. Or on avait rapporté au roi d'Égypte que le peuple s'enfuyait, et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs, fut changé à l'égard du peuple, et ils dirent, qu'est-ce que nous avons fait, que nous ayons laissé aller Israël, en sorte qu'il ne nous servira plus? Alors il fit atteler son chariot, et il prit son peuple avec lui. Il prit donc 600 chariots d'élite, et tous les chariots d'Égypte, et il y avait des capitaines sur tout cela. Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, qui poursuivit les enfants d'Israël. Or les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Les Égyptiens donc les poursuivirent, et tous les chevaux des chariots de Pharaon, ses gens de cheval et son armée, les atteignirent comme ils étaient campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et lorsque Pharaon se fut approché, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux, et les enfants d'Israël eurent une fort grande peur, et crièrent à l'Éternel. Et dirent à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte, que tu nous aies emmenés pour mourir au désert? Qu'est-ce que tu nous as fait, de nous avoir fait sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte, disant, retire-toi de nous, et que nous servions les Égyptiens? Car il vaut mieux que nous les servions, que si nous mourions au désert. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, arrêtez-vous, et voyez la délivrance de l'Éternel, laquelle elle vous donnera aujourd'hui, car, pour les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous demeurerez tranquille. Or l'Éternel avait dit à Moïse, que cries-tu à moi? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent. Et toi, élève ta verge, et étends ta main sur la mer, et la fends, et que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et quant à moi, voici, je m'en vais endurcir le cœur des Égyptiens, afin qu'ils entrent après eux, et je serai glorifié en Pharaon et en toute son armée, en ses chariots et en ses gens de cheval. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand j'aurai été glorifié en Pharaon, en ses chariots et en ses gens de cheval. Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit, et s'en alla derrière eux, et la colonne de nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux, et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et elle était aux uns une nuée et une obscurité, et pour les autres, elle les éclairait la nuit, et l'un des camps n'approcha point de l'autre durant toute la nuit. Or Moïse avait étendu sa main sur la mer, et l'Éternel fit reculer la mer, toute la nuit par un vent d'Orient fort véhément, et mit la mer à sec, et les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent, et ils entrèrent après eux au milieu de la mer, savoir, tous les chevaux de Pharaon, ses chariots et ses gens de cheval. Mais il arriva que, sur la veille du matin, l'Éternel, étant dans la colonne de feu et dans la nuée, regarda le camp des Égyptiens, et le mit en déroute. Il ôta les roues de ses chariots, et fit qu'on les menait bien pesamment. Alors les Égyptiens dirent, fuyons de devant les Israélites, car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens. Et l'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur leurs chariots et sur leurs gens de cheval. Et Moïse donc étendit sa main sur la mer, et la mer reprit son impétuosité comme le matin venait, et les Égyptiens, s'enfuyant, rencontrèrent la mer qui s'était rejointe, et ainsi l'Éternel jetait les Égyptiens au milieu de la mer. Car les eaux retournèrent, et couvrirent les chariots et les gens de cheval de toute l'armée de Pharaon, qui était entrée après les Israélites dans la mer, et il n'en resta pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux leur servaient de mur à droite et à gauche. Ainsi l'Éternel délivra en ce jour-là Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le bord de la mer les Égyptiens morts. Israël vit donc la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, et le peuple craignit l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel, et à Moïse, son serviteur.